Yeah. La rue c'est un stand de tir, pourquoi j'irai à la muscu? La vie me découte, c'est pas large, j'écris en majuscule. J'te sors des punchlines depuis l'époque des ASICS, ils sont certifiés passables, j'suis certifié classique. Moi j'ai jamais rêvé de trône ou bien d'être au placé, mais j'suis pas mort donc nique toi si tu parles de moi au passé. T'as kiffé cette putain élevée, j'crois qu'elle t'a fait du vaudou. Un homme averti en vaut deux, une femme averti en vaut douze. T'as tes ma son boule, c'est que tu y c'est mollet. Puis cette salope a pris ton cœur pour un porte-monnaie, vato. Franchement celle-là, elle est pas mal, c'est un classique. J'dois être le fils caché de Brian de Palma. Et ça que j'l'aurais prédit, comprendra qui pourra, j'm'en bats les couilles à vrai dire. Ok ça brille mais tout s'éteint quand on ferme l'œil. Tu rêves de gloire, y'a pas de lumière dans un cercle. Envoie des pics, j'vais te crucifier sur une belle croix. Ta confiance ça coûte cher, frère. Demande à cette belle croix. Blindée d'allemande comme le noyau de Munich. Mais tu te sens seul comme le Royaume-Uni. Envoie des pics, j'vais te crucifier sur une belle croix. Ta confiance ça coûte cher, frère. Demande à cette belle croix. Blindée d'allemande comme le noyau de Munich. Mais tu te sens seul comme le Royaume-Uni. Pourquoi attends que t'en la roue alors que déjà t'en le monde? Donne-moi ta main que je te la coupe. Franchement j'aime bien ta montre, car tes promesses et tes belles paroles. Tu me niqueras pas le cerveau comme ton daron s'est fait niquer le sien par ta belle daronne. Si j'étais roi, la rune serait pas ma reine. La paire d'Aki m'a coûté plus rush que les réparations d'une McLaren. L'homme se prendrait pour Dieu s'il n'avait pas que 5 sens. Pourtant tous des modes, même un Fiat 500. La rue comme Rihanna, je l'ai cerné dès le premier tour. Pour qu'elle t'aime, faut la mettre KO dès le premier round. Chez nous la haine est en avant, puisque le love est en retrait. La femme fidèle a des remords, l'infidèle a des regrets. Ton quartier c'est la jungle, Sofiane et Tarzan Imoubli. Il suffit juste d'une rafale dans le thorax pour qu'on t'oublie, vato. Un voyou fait pas long feu, levez la main, trois titres je le jure, j'crois que la juge se prend pour Dieu. Envoie des pics, j'vais te crucifier sur une belle croix. Ta confiance ça coûte cher, frère. Demande à cette belle croix. Blindée d'allemande comme le noyau de Munich. Mais tu te sens seul comme le Royaume-Uni. Envoie des pics, j'vais te crucifier sur une belle croix. Ta confiance ça coûte cher, frère. Demande à cette belle croix. Blindée d'allemande comme le noyau de Munich. Mais tu te sens seul comme le Royaume-Uni. L'être humain est un lâche, comment dire qu'il n'est pas faible. Dieu lui a donné le monde, regarde ce qu'il en a fait. Tu te croyais supérieur, la femme t'a mis d'accord. T'as baisé te faisant croire qu'elle jouait à FIFA 2014. Bref, la trahison poteau est partout, c'est un fait. Mais veut mourir avec un frère que survivre avec un traître. Motherfucker. J'arrive en bécane, boum boum, crochet du droit, PD, la frappe est un pécane. Envoie des pics, j'vais te crucifier sur une belle croix. Ta confiance ça coûte cher, frère. Demande à cette belle croix. Blindée d'allemande comme le noyau de Munich. Mais tu te sens seul comme le Royaume-Uni. Envoie des pics, j'vais te crucifier sur une belle croix. Ta confiance ça coûte cher, frère. Demande à cette belle croix. Blindée d'allemande comme le noyau de Munich. Mais tu te sens seul comme le Royaume-Uni.